Mozaik. Bonjour à tous, fidèles auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Bienvenue à cette émission Mozaik. Le débat va porter aujourd'hui sur la nécessité ou pas de ce qui est appelé à tort ou à raison opposition politique au Burundi. Ou encore des partis politiques qui ne parlaient pas le même langage que le gouvernement. En effet, le président burundais Évariste Ndayishimiye, lors de son investiture le 18 juin 2020, a promis d'initier un dialogue permanent entre le gouvernement et les partis politiques pour que chacun puisse avoir l'opportunité de donner sa contribution au développement du pays. Pour lui, je cite, « Il y a un langage qui devrait disparaître de la scène politique burundaise. Qu'est-ce qu'un parti politique qui ne parlait pas le même langage avec le gouvernement ? Si on n'a pas le même langage avec un gouvernement élu, de quel autre gouvernement se revendique-t-on ? » Fin de citation. La même vision, il l'a répété le 4 septembre 2021 à Gitega devant les responsables des partis politiques. Nous ne souhaitons pas que les politiciens soient en perpétuelle dispute infructueuse dans un pays démocratique, renchérit le président burundais. Alors, y en a-t-il au Burundi les partis politiques qui ne parlaient pas le même langage avec le gouvernement ? Quelle contribution apporte-t-il à l'édification d'un État démocratique ? Sont-ils nécessairement contraints de parler le même langage que le gouvernement? Mouvance et opposition, si opposition devrait y avoir, sont-elles obligées de parler le même langage? Quelle serait la valeur ajoutée si d'un côté les partis politiques parlaient le même langage que le gouvernement ou d'un autre côté, quelle perte s'il y a des partis politiques qui parlent un langage opposé? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Nancy Ninette Mutoni, vous êtes chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005. Bonjour et bienvenue, Madame Nancy. Bonjour et merci de l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs et les téléspectateurs de Isanganiro et je salue aussi les invités avec qui on va partager le débat ce jour. Merci. Honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale, vous êtes le président du parti CNL. Congrès national pour la liberté. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci aussi pour la participation qu'on va partager avec mes collègues ici. Et mes salutations aussi vont à l'endroit de tout le public, fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Merci. Et puis nous sommes avec vous, Rémi Hazarimana, expert en communication non violente, coordinateur de l'ONG Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je salue aussi ceux avec qui nous allons échanger, mais aussi les auditeurs et les téléspectateurs. Merci. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana, prise d'image de Berthier Mugiraneza et Jérôme Ndayishimiye, réalisation de Francine Ndeokubgayo et au micro, Léonce Bitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nancy Ninette Mutoni, porte-parole du parti CNDD-FDD au pouvoir. Comment est-ce que vous entendez une opposition politique dans le pays ou encore des partis politiques qui ne parlaient pas le même langage que le gouvernement? Merci. Donc, je me dis d'abord que l'opposition en démocratie est nécessaire et d'ailleurs est primordiale afin de sauvegarder les valeurs et les principes démocratiques. Et le Burundi est engagé sur cette voie et ne va pas reculer. Et parce que c'est la voie du peuple, ça procure au peuple le droit de choisir des élus, ça procure au peuple le choix de voter, le choix pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association. Donc, si le Burundi a choisi le modèle démocratique et que nous sommes ici à ce jour, donc nous disons que l'opposition est nécessaire et primordiale aussi. Et nous saluons aussi son rôle dans l'édification du rôle de l'opposition politique. Le rôle de l'opposition politique. Mm-hmm. Mais quand même, quelque chose à signaler, c'est une mauvaise traduction, en fait. C'est une mauvaise traduction ou une interprétation multilingue qui prête confusion, parce que quand on dit qu'on parle pas le même langage, c'est pas tellement ça l'opposition, en fait, parce que c'est pas ça, je dirais, l'appel ou même le... Ne pas parler le même langage que le gouvernement, opposition politique, y a-t-il une nuance ? Oui, bien sûr, l'opposition politique, oui, il s'oppose à la politique en place, au système en place, je dirais, parce que chacun a présenté son programme politique ou son projet de société lors des élections, qui sont aussi d'ailleurs l'un des signes d'une démocratie dans un pays. Et si les projets de société de tel ou tel autre parti ont remporté, bien entendu, il y en a qui ne sont pas pour avec ces projets. Donc, ils peuvent s'opposer à ces projets de société d'un parti, mais quand d'un même parti. D'un parti. Mmh. Mais quand même, le gouvernement, c'est nous, c'est chacun de nous. Le gouvernement, c'est pour le peuple. On ne peut pas s'opposer à un gouvernement. On s'oppose peut-être à des idées ou à un système politique en place, mais le gouvernement, c'est nous, c'est notre volonté et c'est l'émanation du peuple. Donc le gouvernement, c'est nous. Le gouvernement, c'est nous. Le CNDD, FDD, c'est nous. Le Parti CNL, c'est nous. Maison, lueur d'espoir, société civile de façon générale, vous dites. Tout ce beau monde constitue l'État. L'État, oui. L'État. Mais pas le gouvernement. Mais pas le gouvernement. Voilà. Parce que le gouvernement, c'est juste un organe exécutif. Quand elle dit le gouvernement, c'est nous. Non. C'est l'émanation de notre politique. C'est l'émanation de notre politique et c'est la voix du peuple. Parce que quand il y a les élections et que les programmes de notre parti ont vaincu, c'est nous. C'est le peuple. C'est la voix de la majorité. C'est la démocratie. Nancy Ninette Moutoni, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques de l'opposition au Burundi ? Ils sont plusieurs. Sont plusieurs. Parce que là, il y a le multipartisme, il y a la pluralité d'opinions, et c'est vraiment une réalité. Hein. Pas gênant pour le parti au pouvoir, le CNDD, FDD. Non, ce n'est pas gênant d'avoir des partis qui ne partagent pas vos opinions. Par contre, c'est une force, parce que ils jouent le rôle de contre-pouvoir, et ils jouent aussi le rôle d'avant-garde, et ils regardent ce qui se passe, et peuvent émettre des critiques qui peuvent améliorer ou même contribuer à travailler efficacement. Donc c'est une force. Une petite question avant de passer le micro à d'autres intervenants ici. Est-ce que le parti CNDD-FDD a été un jour un parti de l'opposition avant d'accéder au pouvoir en 2005? Pas seulement un parti d'opposition, mais un mouvement de libération carrément, parce que... Mais bien sûr. Vous demandez des questions que vous connaissez vous-même les réponses. Agathon Rwasa, président du parti CNL, parti de la majorité ou de la mouvance et parti politique de l'opposition ou encore parti qui parle ou ne parle pas le même langage que le gouvernement, quelle serait la place du CNL que vous dirigez? Moi, je n'irai pas au niveau de ces vocables-là. C'est horrible. Parce que, tout d'abord, nous devons nous remettre à l'évidence que la constitution burundaise consacre le multipartisme et partant, il doit y avoir nécessairement majorité et opposition. Là, on n'y peut rien. À moins qu'on décide de changer la constitution et dire qu'on est dans le monopartisme. Vous vous référez donc à la constitution? Oui, parce que c'est la loi qui fonde ce qui est actuellement. Et donc, si nous regardons du côté de la loi, le fait qu'il y ait une constitution qui consacre le multipartisme, qu'il y ait une loi qui régit les partis politiques, et qu'il y ait même une loi qui régit les réunions et les manifestations sur la place publique, entendu dans son sens, dans la mise en pratique des libertés des partis politiques notamment et autres organisations, on peut comprendre que le vœu-pied des Burundais à travers ces textes de loi-là est qu'effectivement, il y a cet aspect multicolore de la vie nationale et que chacun puisse jouer son rôle. La majorité est au pouvoir, l'opposition, elle est là pour quelquefois, s'il y a risque de dérapage, lancer un clin d'œil. De dérapage de la part d'eux? De ceux qui gouvernent. Lancer un clin d'œil pour dire, écoutez, n'allez pas trop loin. Voilà, revenez sur la ligne, c'est comme ça. Eh bien, les partis d'opposition, dans une démocratie qui se veut réellement une démocratie, on a erreur à jouer. Il y a donc nécessité de l'existence de l'opposition dans toute démocratie. Vous vous réclamez donc de l'opposition? Nous sommes de l'opposition dès lors que même la Constitution, en parlant d'opposition même, n'y va pas par quatre chemins. L'opposition se joue au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, si à l'Assemblée nationale, il y a majorité et opposition, comment est-ce qu'on dirait qu'il n'y a pas de parti d'opposition? Des partis politiques de l'opposition, opposition au gouvernement ou opposition au parti au pouvoir, le CNDD, FDD. Ce n'est même pas opposition au gouvernement ou opposition à un parti X ou Y, mais c'est plutôt des vues différentes par rapport à une question X, tout simplement. Parce que la majorité peut voir dans cet angle sur une question donnée et l'opposition voit dans un autre angle. Mais tout converge vers un seul point. Tout le monde est animé dans ce esprit. Bâtir sa nation. Développer sa nation. Apporter sa contribution. Dès lors que chaque citoyen est appelé à contribuer à la gloire de son pays, à la défense de son pays et à la défense de son pays. Donc, c'est beaucoup plus question de comprendre ce que doit être le rôle du citoyen dans l'édification de sa nation et de comprendre que l'opposition ne signifie pas être l'ennemi du pouvoir. Et sur le terrain, concrètement, comment est-ce que vous êtes considéré par le parti au pouvoir, par le gouvernement? Ça se présente comment? Sur le terrain, vous avez parlé tantôt de réunions, manifestations politiques, liberté politique, liberté d'opinion, etc. Oui. Sur ce plan-là, d'abord, on observe une situation plutôt qui déçoit. Parce qu'il y en a qui croient que être dans la majorité, c'est être permis de tout. Et être dans l'opposition, c'est de n'avoir droit à quoi que ce soit. Donc, on devrait plutôt comprendre que la Constitution a plutôt bien défini ce que peut être la place de l'un ou de l'autre. Je vous donne par exemple l'article 140 de la Constitution. Vous pouvez la lire à volonté. Elle est spécifique dans la nomination aux postes administratifs et dans la diplomatie. Les ministres, dans leurs propositions, doivent tenir compte de garder les équilibres ethniques, politiques, régionaux et même de genre. Mais on voit plutôt que la discrimination est de mise. De mise pourquoi? Discrimination. Oui. De mise pourquoi? Pouvez-vous imaginer, par exemple, on commence par exemple au niveau de la commune. Allez voir dans le staff communal. Il n'y a pas un seul membre du CNR. Sur les 119 communes. Vous n'avez pas gagné les élections. On n'a pas gagné les élections, je veux bien. Même si ça s'est passé comme ça s'est passé, cela importe peu. Mais nous sommes appelés à construire la nation burundaise ensemble. Donc vous n'êtes pas associé. On n'est pas associé. Ou on est là au second rang. Même dans les conseils communaux, il n'est pas question qu'on figure dans les bureaux des conseils. Tout ça, ça rime à quoi? Et là, dans les postes nominatifs, combien de décrets il y a eu? Pas un seul au profit du CNR. Et là, je comprends mal comment le président peut... Vous avez occupé une deuxième place lors des élections de 2020. Oui. Même s'il y avait, il y a eu une différence. Peu importe les conditions. Mais je défierais tous ceux qui disent ensemble, c'est possible. Lorsque, effectivement, ensemble, c'est discriminatoire, quelque part. Permettez que je passe le micro à Rémi Habzariman, expert en communication non violente, coordinateur de la maison Lueur d'Espoir. Votre analyse, c'est comment? Est-ce que les partis politiques doivent parler le même langage que le gouvernement ou pas? Oui et non. Oui, dans ce sens que lorsqu'un parti politique élabore le projet de société, c'est en faveur d'une nation bien précise, et ce qui sous-entend qu'il y peut y avoir beaucoup de convergence entre les programmes politiques des différents partis politiques dans un même pays. Parce que, généralement, si l'analyse a été très bien faite par tous, il devrait avoir presque les mêmes priorités, les mêmes défis et finalement avoir des programmes politiques qui sont plus ou moins qui convergent sur un certain nombre de points. Mais c'est aussi permis d'avoir des lectures différentes. Bien sûr. Et c'est non aussi dans ce sens qu'effectivement tel peut avoir privilégié tel secteur tandis que l'autre effectivement privilégie tel autre secteur. Alors le pluralisme sous-entend aussi la diversité d'idées. l'approche qu'elle voudrait utiliser dans la mise en œuvre du développement de son pays peut différer de l'autre, justement en tenant compte de l'approche, la manière ou le processus par lequel il voudrait faire aboutir le pays à ce développement. Mais ce qui est commun pour tout cela, c'est parce que chacun d'eux voudrait voir son pays se développer, le bien-être de son pays. Alors, sur ce point, ils peuvent converger. Alors, lors de la mise en œuvre, c'est que lors des élections, la population doit se prononcer et celui qui a le plus de voix sera celui qui sera au pouvoir. Ce qui vient peut-être nuancer les choses chez nous, c'est que l'autre dirait que en lisant la Constitution, vous avez l'idée du degré de maturité démocratique d'un pays, de comment effectivement la pré-élection est gérée. Comment la Constitution prévoit l'après les élections. Et je crois que c'est à ce niveau où les différents partis, la majorité comme l'opposition, peuvent avoir justement des difficultés d'interprétation peut-être de ce qui peut être fait, parce que souvent, ce n'est pas aussi précis et clair que ça. Alors, pour le cas du Burundi, la Constitution justement prévoit le multipartisme, et lorsqu'il s'agit de la préélection, la question où le bras baisse lorsque l'opposition voudrait bien participer non seulement dans la proposition des projets de société, mais aussi dans la mise en œuvre de ces politiques, alors que le problème est là, souvent, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, ça c'est, j'allais dire, spécifique au pays, le Burundi, que le parti qui est au pouvoir à un certain moment, se rend compte que plutôt les postes à pourvoir sont tellement peu nombreux que même le parti au pouvoir peut ne pas être satisfait. Alors, le problème qui se pose en ce moment-là, c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'autres issues par lesquelles on pourrait passer pour... Ça dénonce une chose parmi peut-être plusieurs. Sur les 118 communes que compte le pays aujourd'hui, aucun membre du parti CNL ne figure parmi les staffs des communes. Et là, c'est dire qu'ils ne sont pas associés. Est-ce qu'ils devraient l'être ou pas? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que la Constitution dit ou qu'est-ce que le code électoral prévoit justement sur la procédure? Parce que tout ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, comment notre Constitution ou nos textes, notamment le code électoral, pensent prévoir gérer la pré-élection. Parce que si, par exemple, c'est dit que l'administrateur est choisi parmi les conseils communaux et que la mésentente n'a pas été résolue au niveau des élections et que pratiquement tous les membres du conseil communal se retrouvent majoritaires du parti au pouvoir, seul parti au pouvoir, comment voulez-vous qu'un administrateur provienne d'ailleurs? Donc, il faut commencer par le début. Il faut laisser les électeurs choisir librement. C'est pas ce qui se fait. Non. Ils l'ont fait. Alors, donc, vous comprendrez donc que... Ils ont élu. Je le disais tout à l'heure que le problème peut se poser lorsqu'on ne s'est pas vraiment très bien convenu ou très bien analysé les textes avant. Parce que j'ai comme impression que l'on soigne beaucoup plus les débuts et on ne sait pas aller en profondeur pour la préélection. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, c'est qu'effectivement, les élections se préparent très rapidement, juste peut-être la veille, et on n'a peut-être pas suffisamment de temps d'aller en profondeur. Et là, c'est ce qui se fait, et c'est donc pas étonnant que lorsque on a un peu esquivé une disposition qui devrait résoudre de telles questions, une fois dedans, on ne peut pas reculer pour lire ce que l'on n'a pas écrit avant. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos des avantages ou désavantages pour un cas comme un autre, et surtout pour l'édification d'un État démocratique? Je veux dire, quand les partis politiques parlent le même langage ou quand il y a divergence d'opinion. Avantages, désavantages. D'abord, lorsqu'au Burundi, on parle d'unité, tout le monde est du côté de l'unité. Mais on ne dit pas souvent que l'unité sous-entend le constat de désunion, l'inverse. C'est-à-dire, lorsque l'autorité appelle les citoyens à s'unir, il ne le dit pas implicitement, mais c'est une façon de faire remarquer qu'il y a division. Alors, lorsqu'on parle de partis d'opposition ou de multipartisme, c'est d'abord le constat ou la consécration de la diversité d'idées, de points de vue. On ne peut pas ne pas converger avant les élections et se retrouver en train de converger après les élections. Tout au moins de la manière dont il faudrait mettre en œuvre ce qui a été dit lors des campagnes. Alors, comme ça a été dit par deux partis politiques différents, tout au moins, ils vont diverger au niveau de la mise en œuvre. Alors, c'est très normal. Le problème revient lorsque la majorité irait peut-être à ne pas exploiter positivement les apports de l'opposition. Parce que si vraiment les partis d'opposition viennent pour contribuer, parce que, encore une fois, c'est là où je pense le bras baisse, si les partis d'opposition vont dans le sens de faire un clin d'œil à la majorité et que la majorité tienne compte de ce qui est dit. C'est d'abord le fait que des fois, celui qui est dans une position de décision peut ne pas avoir une vue qui lui permet d'analyser tous les coins au recoin, mais celui qui n'est pas dans cette place peut le voir. Alors, si dans ce sens, les conseils, les remarques sont constructifs, c'est du côté de la majorité d'en tenir compte. Là, c'est constructif, c'est positif pour et l'opposition et le parti majoritaire. Mais il y a des cas où peut-être que le gouvernement ou le parti au pouvoir peuvent voir presque tout en noir de ce qui est dit ou proposé par des partis de l'opposition, n'est-ce pas? Bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépendra d'une part de la manière dont cela est dit, d'autre part, l'ouverture que le parti au pouvoir se fait pour écouter cela. Mais encore une fois, faudrait-il aussi qu'il se soit, je dirais, parlé, et si le parti au pouvoir invite les partis d'opposition, comme le président de la République l'a dit, c'est ce qu'a dit Nancy, invite les partis d'opposition, à contribuer, à dire, à se prononcer, et que ceux-ci prennent cela comme une opportunité en or, et que les contributions viennent justement pour que les dérapages soient minimisés, que la considération de tous les autres soit là. Moi, je crois qu'en ce moment-là, c'est positif pour les deux. Est-ce qu'on doit parler de l'opposition au gouvernement ou opposition au parti au pouvoir? Encore une fois, là, je suis un peu réticent. Je fais toujours référence à ce que dit le président de la République, même le parti au pouvoir. Si on ne parlait pas le même langage que le gouvernement, de quel autre gouvernement se revendique-t-on? Nous revenons dans ce que peut-être dit ce dont parlait l'honorable Roissa. En fait, vous reviendriez à faire une analyse, et cette fois-ci, de qui est le gouvernement, d'où vient-il, comment est-il constitué. Parce que dire que vous vous sentez dans le gouvernement, c'est un sentiment. Et un sentiment, ce n'est pas une négociation que vous faites. Donc, où vous vous y sentez, parce que vous vous êtes convenu sur comment le gouvernement est mis sur le pied, vous comprenez et vous adhérez à cela, ou alors vous dites non, il aurait fallu faire cela ou faire cela. En ce moment-là, c'est déjà un point de vue qui va influencer les décisions ou les observations que vous allez faire à l'endroit de ce gouvernement. Je reviens vers vous, Nancy Ninette Moutoni, porte-parole du parti CNDD-FDD au pouvoir. On disait tantôt que il peut y avoir des moments où le parti au pouvoir, le gouvernement, peut considérer des vues des autres partis de l'opposition comme en noir, voire en noir, mais tout n'est pas noir, n'est-ce pas? Bon, je commencerai par apprécier d'abord le niveau du débat, parce que c'est de la diversité, effectivement, des idées que naissent, des idées qui construisent, ou même des idées qui nous font avancer. Notre parti met en avant la démocratie, la justice et le développement comme devise. Donc, à ce titre, nous tenons en compte et nous considérons beaucoup, et à juste valeur, les apports et les contributions des autres partis. Des autres partis, mais pas seulement des autres partis, mais de tout le peuple. Parce que le parti vainqueur est là pour diriger le pays. Et le pays, ce n'est pas seulement les militants du parti, donc c'est tout le monde. Donc on écoute tout le monde. On reçoit des critiques, on encaisse, même des commentaires parfois irréalistes et erronés. Mais c'est aussi ça, la démocratie. Ouais. Donc, parce qu'il y a certaines critiques, des fois irréalistes, erronées, mais on les encaisse quand même. Ouais. On les encaisse, et on analyse et puis on avance. Et puis, cette diversité d'idées, cette diversité d'opinions nous construit. Parce que nous nous disons que il n'y a pas de mauvaise foi. Les gens qui émettent ces idées-là, ces opinions, savent très bien que le rôle premier des partis politiques, c'est aussi la recherche du bien-être du peuple et la réalisation du bien communautaire. Donc construire, on doit accepter les contributions de tout le monde et nous les acceptons vraiment volontiers à bras ouverts parce que vous voyez combien de mécanismes sont là pour faciliter exactement cet accès au dialogue, cet accès aux informations diverses parce que certaines fois, il y a des commentaires ou même des opinions qui se forgent par manque d'informations. Donc c'est très important que les gens se rencontrent souvent, qu'ils échangent et qu'ils comprennent pourquoi cette mesure est en train d'être appliquée comme ça et non comme ça. Et est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Est-ce que c'est pas trop tard? Donc recevoir des opinions et des améliorations aussi des autres, c'est très important. Et puis pour continuer aussi sur ce même chapitre, mm-hmm. pour contribuer à construire le pays, je pense pas que ça se passe seulement au niveau des positions politiques à l'exécutif, parce que les postes sont occupés par des mandataires qui exécutent les ordres, les volontés, les aspirations du peuple. Et ils sont très peu, comme l'a dit l'analyste, pour dire que certes l'impact, mais c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça la lutte pour laquelle on doit se concentrer dans l'esprit démocratique. C'est pas tellement les positions. C'est le droit à la parole. C'est le droit à l'accès à l'information. C'est le droit de pouvoir librement s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays. C'est pas tellement les postes. Au niveau des communes, elles sont tous dirigées par les membres du parti CNDD, FDD, n'est-ce le pas peuple là, hein? Le peuple décide. Le peuple a décidé que ces staffs soient dirigés par les militants du parti CNDD. Non, le peuple a décidé. La CENI et la Cour constitutionnelle ont décidé. Et quand le gouvernement, Nancy Ninette Mutoni, quand le gouvernement et le parti au pouvoir disent ne pas comprendre des partis politiques qui ne parlent pas le même langage avec le gouvernement, espérons qu'il y a une volonté quelque part de changement au niveau de la gouvernance démocratique. Et vous estimez que cela va apporter quelle valeur ajoutée pour le pays par rapport à la situation d'avant? Bon, d'abord, comme je le disais tantôt, c'est une mauvaise interprétation ou une interprétation hâtive. Mais quand même, les apports de tous sont nécessaires pour la construction et l'édification de notre nation. Sinon, ça se justifierait pas pourquoi même le président de la République lui-même rencontre tout le monde, même le peuple. Pour demander qu'est-ce qui se passe dans votre province, comment vous vous sentez, et s'il y a un dirigeant tel qui n'est pas en train d'exécuter sa mission correctement, vous avez vu, il peut même appeler directement et voir. Donc, c'est là la démocratie. Quand il est déçu, il procède au changement. C'est pas seulement la déception. Je dirais pas la déception, mais c'est la redevabilité. C'est la redevabilité parce que quand on préside à une destinée d'une nation, quand quelque chose qui va mal dans un secteur quelconque, on doit changer pour que le peuple ne soit pas lésé dans ses droits. Et tant que vous avez le micro, quelle serait la place que vous donnez finalement à ce qui est appelé liberté, liberté politique, liberté d'opinion? C'est primordial. C'est primordial et c'est comme l'air qu'on respire. C'est partout. Et nous consacrons notre temps à améliorer l'état des faits afin que la collaboration entre les divers leaders d'opinion, les forces vives de la nation puisse se faire sans problème. En tout cas, actuellement, on peut affirmer sans se tromper qu'au Burundi, toutes les forces vives sont consultées et constamment. afin de pouvoir lever les équivoques, les malentendus, certaines incompréhensions qui ont souvent, dans le passé, induit certaines personnes à l'erreur et qui ont attisé même la haine parmi les leaders de politiques, même de la société civile, parce qu'il n'y avait pas assez de volonté de parler. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il n'y avait pas assez de temps alloué à ça, donc à dialoguer, à échanger, à recevoir des points de vue des autres et à les mettre aussi en application. Mais actuellement, le bilan est très positif et nous avons promis et nous réaffirmons cet engagement au sein du parti au pouvoir que c'est une voie que nous avons choisie et nous n'allons pas reculer. Vous vous réjouissez du pas franchi. Nous nous réjouissons du pas franchi et nous sommes engagés à continuer à améliorer le climat politique, tout en respectant les valeurs démocratiques qui répondent aux aspirations du peuple. Vous êtes décidé, engagé à améliorer le climat politique. Agathon Gwassa, président du parti CNL, député de l'Assemblée nationale, vous avez été candidat présidentiel en 2020 avec un projet de société bien conçu par votre parti, le CNL. Y aurait-il certains de vos programmes qui sont actuellement mis en œuvre par le parti qui a vaincu les élections, le CNDD-FDD, au pouvoir aujourd'hui? Bon, je crois que dans son discours inaugural, le président Ndayishimiye a bien mentionné qu'il pourrait emprunter certaines idées qui avaient été proposées au peuple burundais par les différents compétiteurs, oui. Ce qui est une bonne chose, mais seulement c'est un peu navrant de voir que tout en empruntant cela, il ne veut pas nous associer. Je ne veux pas m'éterniser sur ça, de nous associer, mais c'est quand même une grande lacune, parce qu'après tout, on est tous appelés à bâtir cette nation. On ne devrait pas avoir des velléités d'exclusion, parce qu'on sait ce que ça a produit par le passé. Dernièrement, j'ai entendu par exemple le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, du Développement communautaire, dire qu'on voudrait réduire le nombre de communes, le nombre de provinces. Oui. Ça, par exemple, nous l'avons toujours dit, que le Burundi est si petit, tant et si bien qu'on n'a pas tellement besoin de 19 provinces. 118 communes, 119 communes, je ne sais pas. Et vous pouvez estimer que ça, c'est votre programme et c'est le programme du parti CNDD-FDD. Bien sûr. C'est le programme. C'est le nôtre, oui. Et ça, c'est quand même une idée qui date. Que ça soit mis en œuvre par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ça ne pose aucun problème. Non, l'important, c'est que ça se fasse dans l'intérêt de toute la population. C'est ça qui importe le plus. Parce que, après tout, si on est en compétition ou si on est en politique, si on doit élaborer des projets de société, c'est pour la société burundaise, ce n'est pas pour un individu X ou Y. Seulement, il faut tenir compte de l'évolution sociopolitique de ce pays dans la mise en œuvre des programmes. Que l'on soit vainqueur, même si on gagnait à 100%, on devrait quand même se soucier de tout le monde. Si tout le monde est appelé à contribuer, par exemple, au fisc, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi donner les opportunités aux autres lorsqu'il s'agit de donner des emplois, par exemple? Si on sait que tout le monde est contribuable, pourquoi ne pas permettre l'épanouissement du secteur privé, par exemple, pour donner plus de chances aux autres? Si vous croyez que les décisions que vous faites, c'est beaucoup plus politique ou autre, pourquoi ne pas permettre l'épanouissement, par exemple, du secteur privé pour que ceux-là qui ne sont pas dans votre obédience puissent eux aussi avoir la chance d'être embauchés ailleurs? Mais même si le secteur privé n'existe pas, j'entends dire l'état vieilli. Vieilli, ça signifie quoi? Lorsque vous discriminez une partie de la population au profit d'une autre. Et là, vous allez dire que si c'était vous, vous feriez mieux. Moi, je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai toujours dit, que même si on gagnait les élections avec 100%, ou même si on devrait se retrouver, par exemple, dans une situation telle qu'on l'a connue dans les années 60-70, avec le monopartisme, si on croit à la démocratie, il faut d'abord permettre qu'il y ait existence d'autres opinions et tenir compte de ça dans la gestion. Et le parti syndicaliste au pouvoir le reconnaît. Il y a existence d'autres opinions. Oui. Mais le tenons en compte. Et évidemment, il y a la Constitution. Dans la pratique. Là, on voudra bien se dérober, mais la Constitution exige quand même. Et ce qui reste maintenant, c'est au niveau de la gestion du pays. Il faut associer tout le monde. De par même l'histoire de notre pays, un pouvoir qui associe tout le monde donnerait beaucoup plus la confiance parmi les gens. Et si les citoyens ont plus de confiance dans leurs dirigeants, ils participent mieux à l'édification de cette nation. Je l'ai dit tantôt, on a tous le droit et le devoir de participer à la gloire de ce pays. On a tous le droit et même le devoir de défendre cette nation. On a tous le devoir de participer à la dépense de ce pays. Il ne faudrait pas qu'on soit ensemble lorsqu'il faut payer les taxes et ne pas être ensemble lorsqu'il faut bénéficier notamment de ces taxes-là à travers les salaires, par exemple. Donc, pour moi, je trouve que ça c'est quand même une lacune pour ceux qui exercent le pouvoir justement, aujourd'hui. Justement, à vous entendre parler, on dirait que vous êtes en train de dénoncer, indirectement ou directement, de dénoncer ce qui n'est pas, mais que vous voulez que ça soit. Oui, ça devrait être, parce que nous sommes fils d'une même nation. C'est dans son rôle comme opposant, et nous le reconnaissons. Oui. Nous sommes tous fils et filles d'une même nation. Pourquoi on devrait encore une fois y aller par une sorte de discrimination? Et puis, je me dis que quand bien même il y aurait peu de postes, je veux bien. Et là, peut-être vous me permettrez, si avec la colonisation, le Burundi est entré dans des difficultés, c'est parce que le système économique a été bouleversé par l'introduction de la monnaie, beaucoup plus qu'autre chose. Et l'accès à cette monnaie, c'est notamment à travers la fonction publique, entre guillemets, donc, un emploi qui vous garantit l'accès à cette monnaie, ou alors le business. Tout le monde ne peut pas faire du business. Introduction de la monnaie, mais ni le gouvernement, ni l'opposition, oui. Vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, on n'est pas à ce stade-là. Maintenant, on a évolué. Maintenant, il faut donner les chances égales à tout le monde. Il ne faut pas que tous les postes soit monopolisé par ceux qui disent « nous avons gagné, nous avons vaincu ».« Nous avons gagné ». Oui, on gagne pour exercer le pouvoir et on exerce le pouvoir pour tout le pays. Alors, il faut que tout le monde soit associé quelque part. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais il faut quand même un minimum. Il y en a aussi qui veut parler, mais il faudra aussi passer le micro sûr, à Rémi Hadalimana de la maison du Lueur d'Espoir. Avons gagné. Ouais. Il y a une certaine considération de l'honorable Gwasa du parti CNL. Ça signifie quoi? Avons gagné. Le pouvoir, c'est nous. Gagner les élections, donc la victoire nous confère aussi une responsabilité et une redevabilité envers le peuple. Et un droit de discriminer. Non. C'est cela que je veux éclairer ici, hein, parce que c'est un lourd mot, la discrimination, l'exclusion. C'est un lourd mot qui est... l'expert en communication non violente pourra extrapoler, mais c'est un lourd mot qui ne reflète malheureusement pas la réalité au terrain. Non, parce que des sens, notre parti et notre politique... nous sommes rassembleurs et nous sommes réconciliateurs. Donc, c'est pas le parti est né de la volonté du peuple, parce qu'il y avait exactement l'exclusion et la discrimination. Donc, c'est impossible, c'est même incompréhensible. Et puis, sur terrain, en tout cas, le peuple est uni. Et puis, il contribue efficacement et ensemble, même si j'ai cru comprendre que le slogan d'ensemble, nous pouvons... vous ne semblez pas très bien l'apprécier, mais c'est un bon slogan, c'est un bon moto pour... Le slogan, c'est bon. Mais la pratique, c'est le contraire. On doit avancer ensemble, sans laisser personne derrière. Parce que, quand vous parlez du domaine de l'emploi, le domaine de l'emploi qui est d'essence basé aussi sur la compétition et le mérite, nous encourageons. Parce que c'est une mesure qui est exécutée par la fonction publique, le gouvernement. Nous encourageons cette démarche. Parce qu'on ne pourra pas imposer, on ne pourra pas venir ici au studio et dire tel poste doit revenir à celui-ci, tel poste. Ce sont des régimes qui sont dépassés. Actuellement, c'est la compétition loyale qui est là et qui met chacun à sa place. Et vous êtes un élu. Écoutez, la majorité est là. Si vous êtes un élu du peuple, donc avec un mandat national, vous devez vous réjouir qu'il y a des enfants du pays. Attends un peu. Il doit se réjouir qu'il y a des fils de ce pays qui sont en train d'être employés. Même si quand il parle de l'accès à la monnaie, on ne doit pas se focaliser nécessairement sur les postes au gouvernement. C'est très peu. C'est très limité. Même nous, on n'est pas tous servis. Même nous, on n'est pas tous servis. L'opposition doit toujours attendre. On doit, en tant que leader politique et leader d'opinion, faire tout pour promouvoir la création d'emplois et appuyer aussi la production et appuyer les mesures qui sont déjà en place comme les sociétés coopératives dans toutes les collines. Ça, c'est une solution, je dirais, qui peut contenir tous ces problèmes d'accès à la monnaie, d'accès au travail rémunéré de la fonction publique. Tout le monde ne pourra pas venir s'asseoir au bureau. C'est impossible. Non, c'est utopique. Permettez que je passe un peu le micro à Rémi Hafzalimana de la maison Lueur d'Espoir et je reviendrai vers vous. Rémi Hafzalimana, il y a deux langages qui semblent s'opposer de la part de Nancy et l'honorable Agathon Rwasa. L'un dit, nous avons gagné, c'est ce qu'il dénonce, nous avons gagné, et c'est nous, pas un autre. Et d'un autre côté, il y a Nancy qui dit, le peuple a décidé. Mais au niveau des 118 communes, il y a les staffs, question de ceux qui dirigent les staffs, il y a deux langages opposés. Votre lecture, c'est comment? De Gaulle disait qu'il avait compris les Français, et je les comprends. Chacun, justement, a raison de dire ce qu'il dit, parce que, justement... C'est la démocratie, c'est exactement ça. Il y a Léon, ce qui voudrait qu'effectivement, vous trouviez intérêt d'entente, ce qui est pratiquement impossible, Léon. C'est parce que sinon, il serait dans un même parti politique, d'accord. C'est-à-dire que leur projet de société se serait tellement rapproché que effectivement cela devrait aller dans ce sens. Mais revenons sur un élément important dont j'avais parlé avant, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui le résultat de notre histoire. Et ça, on ne peut pas ne pas le souligner, parce que les partis politiques burundais aujourd'hui sont le résultat de notre histoire, je dirais même récente. Parce que lorsque l'opposition dit, on se cache derrière le fait de dire qu'on a gagné les élections et par conséquent, vous n'êtes pas exclu, mais vous n'êtes pas dedans. Et que les postes sont limités. Exact. Et tout ça, c'est encore une fois pour revenir sur la même, la même idée, le fait que le programme de société devrait venir comme réponse au problème de la communauté, en vue du bien-être de la communauté, le développement. Et là, les conflits se font autour de comment vivre, comment attendre les prochaines élections, comment entre-temps je vis. Et dans l'entretemps, c'est ce qui est en train d'être fait. Et je dirais que cela n'est pas un combat d'aujourd'hui. D'après Nancy, ce serait peut-être la nouveauté que ça se dit, ce qui est très positif. Mais s'il faut revenir un peu dans l'histoire, c'est ce qui a fait que le parti qui est au pouvoir soit d'abord une rébellion, à cette période, c'est comme ça qu'elle était qualifiée, et qu'il devienne parti au groupe de libération, je crois que c'est le mot qu'elle a utilisé, et finalement se retrouve au pouvoir. Et la question est de ce qui est là et qui devrait être posée serait, lorsque elle était ce parti au pouvoir, ou cette équipe s'adressait à ceux qui étaient au pouvoir à cette période, quel langage avait-elle, c'est l'équipe. Et là, en fait, c'est pour peut-être aller sur la ligne de temps et finalement se poser la question de savoir est-ce que le langage actuel, il est nouveau ou il est normal et continu dans notre évolution ou dans notre situation. Et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, chaque fois l'opposition se plaint qu'elle est exclue. Et là, c'est là où donc je reviens sur en lisant la constitution d'un pays, vous avez l'idée du degré de maturité démocratique de ce même pays. En fait, qu'est-ce que la constitution prévoit dans ce sens? Et je reviens en disant que lorsqu'on est en train d'élaborer le texte qui régit cette fois-ci les élections, et c'est là où tout cela devrait être discuté. En fait, le code électoral. Le parti au pouvoir est en train d'appliquer ce qui est dans les textes. Et la question serait de savoir d'où vient ce texte. Comment a-t-il été rédigé? Quel a été le processus? En d'autres termes... Les partis politiques, vous dites, ils ont été associés. Exact. Tous. En d'autres termes, nous nous acheminons vers les autres élections. Est-ce qu'on ne risque pas de nous réveiller en 2005 pour les 2025. Législatives 2025, merci, pour les législatives, lorsqu'on n'est pas en train de le faire maintenant? Parce que la grande question est que lorsque tout vient en même temps et la veille, ce n'est pas toujours évident. Les esprits ne sont pas beaucoup plus sur les textes. Les esprits sont très partagés et malheureusement, on ne voit pas ce qui devrait être prévu pour la pré-élection. Et là, les problèmes se posent lorsqu'on n'a pas eu le temps de discuter de comment gérer cet après. C'est ça le problème. Et là, je reviens sur notre histoire, notre ligne de temps. Lorsque justement nous voyons le monopartisme, comme il a si bien dit Honorable Rwasa, là, on sait qu'on est dans un même parti. Là, peut-être, les voix ne montaient pas suffisamment pour dire tous les postes sont occupés par le même parti parce que il n'y a pas d'autres partis. Mais lorsque nous allons à l'étape suivante, le multipartisme est là, et que vous analysez le langage qui s'est dit lorsque le parti Frodebout gagne les élections, nous sommes en 1993, c'est le même langage qui vient. Parce que justement, c'est comme si en préparant les élections, tous les esprits sont plaqués sur les élections, on ne pense pas à préparer l'après-élection. Et finalement, la Constitution ne fait que consacrer le seul parti qui est vainqueur. Et c'est le cas. Et le parti d'opposition va se réveiller après, et lorsqu'il va effectivement quand voir... Quand approche les autres élections. Non. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que le texte n'est pas équitable. Je mets bien entre guillemets, n'est pas équitable. Et cela se remarque après. Et vous voulez demander à celui que le texte arrange de changer le texte. Là, ça devient problématique. Il va dire, non, écoutez, je suis en train d'appliquer la loi, la Constitution. Je mets en œuvre la Constitution. Ne vous en faites pas. L'article 140 est clair. 142 du Code électoral. De la Constitution. Dans les nominations aux postes administratifs et dans la diplomatie, il faut garder la nécessité de sauvegarder les équilibres régionaux, politiques, ethniques et de genre. C'est comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Sans considération des résultats. Oui. Mais l'équilibre, oui. C'est pas seulement le CNL. Si d'autres partis sont là, est-ce que ça va pas être que l'équilibre? Qui sont là? Et si la société civile est là? Qui sont là? Mais le CNL a été le deuxième parti en 2020. Bon, dans tous les cas, Léonce, je voulais dire que dans ces projets de société, effectivement, si il est clair que la question qui se pose, c'est comment je vis entre les deux élections. Et cela n'est pas seulement posé par le CNL. Cela devrait aussi être posé par... Parce que si on lit les projets de société, justement, il y a de très bons projets qui devraient, faire face à la création de l'emploi. Et la création de l'emploi, ce n'est pas... En fait, pour un peu balancer, équilibrer le fait que les seuls postes qui, d'après le parti au pouvoir, ne suffisent même pas pour cela même, donc un peu à côté, ne suffiront jamais. D'ailleurs, plus ils seraient plus petits et qu'ailleurs c'est suffisant, ça serait beaucoup mieux. Mais justement, l'effort devrait être placé à ce niveau pour qu'il y ait priorisation du secteur privé, faciliter vraiment de ceux qui peuvent investir, aller même inviter ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils viennent investir. Et là, je crois que c'est à ce niveau donc où il faudrait voir est-ce que, justement, c'est lui qui est de qui nous devrions attendre cela pour faciliter donner toutes les options possibles pour que le secteur privé soit encouragé, serait-il en train de le faire convenablement ? Pour que finalement, demain, celui qui ne veut pas être membre du parti CNDD-FDD, pas du parti CNL, se dise « je serai mieux dans ma vie, burundais, et contribuant dans tous les sens, sans nécessairement faire partie d'un parti politique, mais voilà ce qui me permet de vivre. » Ça, ça serait peut-être, ça réduirait... Ils vont nous prendre des membres. Ça réduirait, non, ça réduirait les conflits, les conflits actuels entre le parti majoritaire et les partis d'opposition. Parce que finalement, le fond du problème, c'est comment le parti politique peut ranger ses membres, qui sont nombreux par rapport au poste à pouvoir, alors que les partis d'opposition sont en train de réclamer les mêmes postes. En créant donc... Réclamer tous les postes. Pas tous les postes. Les mêmes. Il n'en aurait pas les... voilà. C'est impossible. J'ai deux questions à poser à l'honorable Gwassa. Une question à l'honorable Gwassa et une autre à vous, Nancy Ninette Moutoni. Je commence par vous, parti au pouvoir. Est-ce qu'il y a au moins certains parmi les programmes du parti, disons par exemple CNL, des partis de l'opposition de façon générale, qui sont contenus dans leur projet de société, qui vous auraient inspiré et que vous mettez en œuvre pour la consolidation de la démocratie? Bon, disons, on ne va pas aller à les citer ou de façon exhaustive, mais quand même le principe est là. Et puis, comme l'a dit l'expert, les projets de société se ressemblent un peu, se rapprochent. Et comme ils visent tous l'amélioration des conditions de la communauté, du peuple, certains des traits d'un projet politique, que ce soit du CNL ou d'un autre parti, vont indéluctablement se retrouver dans la réalisation des programmes nationaux qui sont en train d'être réalisés par le gouvernement. Et à l'honorable Agathon Rwasa, s'il advenait que votre parti accède au pouvoir, comment devriez-vous considérer ceux qui ne parlaient pas le même langage que le gouvernement? D'abord, nous devrions tabler sur... Si un jour on pouvait dire gouvernement CNL, comme on dit aujourd'hui gouvernement CNDD-FDD. D'abord, il faut prendre en compte, en fait, le Burundi est passé par des situations tumultueuses. Et s'il faut résoudre les problèmes qui semblent se répéter implicitement, il faut d'abord donner la voix au chapitre à tout le monde. Nous discutions tantôt du pouvoir au poste ici et là. On ne devrait pas toujours dire que c'est peu, parce qu'on est appelé à servir toute une nation. Et une nation, à ce moment-là, c'est peut-être question de dire, si je prends 60% parce que je suis majoritaire, voyons comment répartir les 40 restants aux autres. Parce que tout le monde est appelé à la gloire du pays, à la défense du pays et à la dépense du pays. Il faut donner les chances à tout le monde de participer à cela. Une autre chose, on devrait savoir que les opinions des uns et des autres importent beaucoup. Léonce peut parler avec animosité, mais certes, dans son animosité, il peut quand même révéler une certaine réalité. Il ne faut pas... Pourquoi passer par l'animosité? Non, pourquoi y faire recours? Non, s'il s'exprime avec un ton vraiment où vous sentez que ça ne va pas, prenez le temps d'y réfléchir, d'analyser son message et d'essayer de trouver une solution à sa préoccupation. Ne cherchez pas à museler les gens. Il faut aussi, donc, il faut garantir l'opinion, le droit d'opinion à la société. Ça va contribuer énormément. Radio Isanganiro tend son micro à celui-ci. Il ne faudrait pas s'expliquer pourquoi on a donné son micro, mais plutôt... Si vous n'êtes pas satisfait de ce que quelqu'un a dit, si vous avez une version contraire ou contradictoire, exprimez-vous. C'est le droit de réponse. Si quelqu'un a menti, démentissez, tout simplement. Donc, la liberté d'opinion, c'est aussi quelque chose qui permet à une démocratie de s'épanouir. Il faut aussi que, dans une démocratie burundaise, il ne faut pas que on continue toujours à avoir peur des uns et des autres. Chaque citoyen est animé d'une bonne volonté. Et il faut exploiter cela. Moi, je reste convaincu que le dialogue est quand même un instrument, un outil qui peut nous aider. Et je dirais que à l'état actuel des choses, il serait impérieux, si on devrait l'accepter, que les Burundais, la classe politique, la société civile, les différents acteurs se mettent ensemble pour voir quel est l'état des lieux. Peut-être qu'on tirerait des leçons par rapport à la gestion dans le temps et actuellement et voir ce que l'on pourrait améliorer. Après tout, le dialogue ne va pas arracher le pouvoir à celui qui l'exerce, parce qu'en démocratie, vous avez votre mandat, c'est pour un temps déterminé, il faut attendre d'autres élections. N'empêche que dans cet esprit de construire ensemble cette nation, le dialogue est toujours très nécessaire. Espérons que ce dialogue reste en tout cas une préoccupation de la part des décideurs de la République. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer. En quelques secondes, M. Rémi Azalimana de la Maison, lueur d'espoir, et on va terminer l'émission. Je crois que je devrais seulement souligner le fait que, d'abord, saluer l'étape d'échange à laquelle et les partis d'opposition et le parti majoritaire où ils y sont, et dire que beaucoup plus les questions qui font objet de divergences, pour la plupart, c'est des questions au niveau de la gestion, la pré-élection. Peut-être à l'endroit du parti au pouvoir, effectivement, comme elle l'a si bien dit, d'arrondir les angles et d'écouter davantage. Mais quant au parti d'opposition, de penser déjà au code électoral, parce que finalement, ce qui fait défaut après, c'est comment on a conçu ce document qui finalement gère, parce qu'on est en train de discuter de ce qui est déjà là, qui est mis en œuvre, alors qu'il fallait peut-être un peu participer ou mettre ses idées dans l'ordre de la rédaction du code électoral, qui lui aujourd'hui montre qu'effectivement le parti au pouvoir, peut-être pour faire face à ce qui était dans le temps, que tout parti politique participe au gouvernement, et que à un certain moment, ce qu'ils concevaient, on dit, il faut que cela s'arrête, et ils consacrent finalement, positivement ou négativement, le parti au pouvoir. Merci. Merci Rémi Azalimana. Je rappelle que vous êtes expert en communication non violente et coordinateur de la maison Lueur d'Espoir. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup de l'invitation. Merci aux participants à cette émission. Merci aussi aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, Nancy Ninette Moutoni. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du parti CNDD-FDD au pouvoir. Merci de votre contribution à cette émission. Merci, merci beaucoup, Monsieur Léonce. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs, mais merci aussi à nos amis avec qui je partageais ce débat pour les apports constructifs pour la réalisation du bien-être du peuple. Merci. Et merci à vous, honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale, président du parti CNL. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci aussi à mes compatriotes pour les échanges que nous venons de mener ici. Merci aussi pour tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télévision Isanganiro. Merci. Ainsi prend fin l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la nécessité ou pas de l'opposition politique au Burundi. Émission réalisée par Francine Ndihokubgayo. À la présentation, vous étiez avec Léonce Bitariho. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.